affronter ce mirage. Un court poème écrit et narré par Mia, alias Miyakuse. Alors, mon ami, as-tu assez de courage pour affronter ce mirage pendant que je finis cet origami?